بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبحمد الله تعالى نحب أن نواصل في دروسنا سلاسل الدروس في عدة مواضيع. Par la grâce d'Allah عز وجل, nous souhaiterions pouvoir poursuivre les séries de cours que nous avons pour coutume de faire après cette longue interruption, bien que ces dourous n'auront pas lieu en direct par incapacité de pouvoir l'accomplir. Et d'ailleurs, je m'excuse par l'avance pour les fonds sonores que l'on pourrait entendre, car ces dourous ont lieu au masjid. Je n'ai d'autre choix pour l'instant que de les faire au masjid. Naam. Donc pour la Mouna Sabah, nous sommes dans ce mois de Ramadan, Mubarak, de l'année 1445, et qui plus est, puis l'Awashir, les 10 derniers jours, dans lesquels on trouve cette fameuse nuit qui est Laylatul Qadr, celle qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. Naam. Et sont à venir des jours qui sont le jour de Eid, après lequel vient une adoration obligatoire, qui est Zakat al-Fitr, dont beaucoup de gens ignorent les règles, et toute chose qui est accomplie doit être accomplie avec ilm. Donc on va, Inch'Allah, faire une série de petits durous, expliquant certaines règles les plus importantes, tirées du charh de Umdat al-Ahkam de Sheikh Abu Abdullah Zaid ibn Hassan ibn Salih al-Wasabi al-Umari, qui est l'un des grands mashiachs du Yémen. Il est très discret, très peu le connaissent, et le fait qu'il soit méconnu n'implique pas qu'il soit une personne sans science et sans valeur. Bien au contraire, ici il est très connu. Et ce n'est pas tout au shir, ce n'est pas plus le shir de visibilité, c'est-à-dire qu'il est plus savant ou plus profitable qu'un autre. Et comme précise Al-Wasabi, il ne s'agit pas de Mohammed ibn Abdul Wahhab Al-Wasabi, celui qui est mort sur la déviance, rahimahullah ta'ala, après avoir combattu vicieusement la Darwa du Yémen à laquelle il s'affiliait en apparence. Là, c'est une autre personne. Et lui est toujours vivant. Cheikh Zayd al-Wasabi est toujours vivant. Sallallahu alayhi wa sallam wa nyudim umrahu ala ta'ati. Yutawwil umratahu ala ta'ati. Donc en fait, c'est une risala qui était mise de façon indépendante, alors qu'en réalité, comme le Torah le dit lui-même, il a juste extrait de son charh de Umdat al-Ahkam ses règles de la zakat et les a mises dans une Risala Mustaqillah. Mais il ne l'a pas écrite en particulier pour ça. Juste, il a un grand ouvrage en plusieurs volumes. Il en a pris un extrait et il l'a mis à part dans cette Risala de Zakat al-Fitr. Avec Allah Ta'ala. Donc en premier, il dit Ta'arifu al-Zakat. La définition de la Zakat. Al-Zakat wa al-Nima wa ziyada. La Zakat, dans le sens littéraire, c'est l'ajout. C'est le sens de l'ajout. Également dans le sens de Salah, ce qui est la réforme, qui est le bien. Comme a dit Ta'ala, فَرَدَنَا نُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا فَرَدَنَا يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرٌ مِنْهُ زَكَاتًا. Surat al-Kahf, lorsque Allah Azzawajal dit, en fait, en parlant de Al-Khadir, il dit, nous avons voulu que leur Seigneur leur remplace par meilleur que lui. En parlant de cet enfant qui a été tué par Al-Khadir, pour préserver ses parents qui étaient croyants. Il a dit, خَيْرٌ مِنْهُ زَكَاتًا, d'accord, qu'il soit meilleur de lui et plus droit, mieux réformé que cet enfant, ou plutôt cet enfant, on va dire ce jeune homme, en réalité c'est un jeune homme, qui a été tué, car il était voué à la mécréance, et Al-Khadir avait reçu une inspiration d'Allah Azzawajal qui disait que ses parents risquaient de dévier à cause de lui. Donc de là, il l'a tué. Et selon l'inspiration divine, bien évidemment, pas de lui-même. وَتَعْتِي بِمَعْنَا تَطْهِيرٌ, également le sens de zakah, puis avec le sens de purification. Comme a dit Allah, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ تُزَكِّيهِمْ بِهَا. Dans le sens où Allah dit, en parlant à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et prend d'eux une aumône afin de les purifier. Surat Tawbah. Cette aumône vient pour purifier. Donc là, c'est l'essence de zakah en arabe, dans le sens l'oratan, yani littéraire. وَشَرْعَنْ, cette zakah, elle est de deux sortes. Fi zakat al-mal wa zakat al-fitr. Et la zakat de l'argent que l'on prend sur les biens. Et la zakat al-fitr qui, elle, a lieu à la fin de Ramadan. Donc, awalan shar'an, al-zaka, i'ta juz min al-nisab al-hawli ila al-faqir. Qunahwihi, ghayl hashimi wa la muttalibi. Donc, parmi les définitions qui ont été faites de la zakat, zakat al-mal, c'est le fait de donner une part de la somme atteinte, qu'on appelle le nisab, annuel, c'est-à-dire tu as une somme qui a atteint un plafond. Cette somme qui a duré avec toi durant un an, tu en sors un pourcentage que tu donnes aux pauvres, à condition qu'ils ne soient pas un Hashimi, ni un Muttalibi, c'est-à-dire des gens de la maison prophétique. Car eux n'ont pas le droit de manger de la sadaqa. Donc, de cet argent-là, tu sors, selon le nisab, soit de l'or, soit de l'argent, là n'est pas le sujet. Tu en sors un pourcentage qui est de 2,5%, en se basant bien sûr sur une année hégirienne et non pas grégorienne, c'est très important. Donc, le calcul d'un mois hijri vers un mois hijri, non pas d'un mois grégorien, un mois grégorien. Et souvent, les gens le font pendant Ramadan, car c'est plus facile pour se rappeler. Ils vont faire de Ramadan à Ramadan, et non pas de janvier à janvier ou de septembre à septembre. Mais tu choisis le mois hijri, car les mois lunaires et les mois solaires n'ont pas la même durée. Et il dit également parmi les définitions de Zakat al-Mal, هو اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطريقة مخصوصة. Donc c'est le fait de prendre une partie spécifique de tes biens. Quel bien? Des biens en particulier. Ce ne sont pas tous les biens dont on prend la zakat. Il y a des catégories. Il y a les biens que tu possèdes, l'argent, l'or et l'argent. Il y a du bétail. Il y a de l'agriculture. Et il y a également ce qu'on appelle le rouleau de tijara. Une divergence par rapport aux marchandises possédées pour le commerce. Donc, de ces choses-là, on en sort une parcelle définie par la législation que l'on donne de façon particulière, c'est-à-dire à un moment particulier, à des gens, une catégorie de gens particuliers qui ont été définis dans le Coran, sur le Tawbah. Ça, c'est encore un autre ders, d'accord? Là, donc là, il parle de Zakat al-Mal. Nous, maintenant, le shahid de cette risala, c'est Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr. Donc, il dit, Asr al-Fitr al-Shiq. Donc, al-Fitr, à la base, ça veut dire quoi? C'est le fait de fendre une fissure, une cassure. Comme dans le Coran, où Allah dit, d'accord ? Lorsque le ciel se fondra. Ça veut dire shakkat. Donc, al-fitr, c'est maintenant al-shak. Et c'est pour cela que, même en français, le sens, il apparaît que, il dit en istilaire, salakat tajibu bil-fitr min Ramadan. C'est une aumône qui est obligatoire lors de la rupture de Ramadan. C'est-à-dire la fin de Ramadan, lorsque l'on cesse de jeûner, c'est une aumône à sortir. Et la cause de cette nomination de Zakat al-Fitr, c'est que justement, elle a le sens de cassure, rupture, fissure. C'est-à-dire que tu romps ton jeûne. Masalan, on le dit en arabe. Al-Iftar, c'est quoi l'Iftar? C'est le repas que l'on prend pour rompre le jeûne. C'est la même racine. Le fa, le ta et le ra. Le fitr. L'Iftar, c'est le fait de rompre. Donc, cette fitr, c'est la rupture, sauf que là, c'est une zakat de rupture du mois entier. L'iftar, c'est ce que tu prends de la journée, tu rends ton jeûne de la journée. Et le fitr, c'est que tu cesses de jeûner. Ce mois de siyam, il est fini. Tu ne jeûneras plus de façon obligatoire par rapport à cette adoration particulière. Donc, c'est une rupture, c'est une cassure. Et on le dit d'ailleurs en français, rompre son jeûne, casser le jeûne. D'accord ? Ça vient du mot fitr, qui veut dire fissurer, rompre, casser et autres, ce qui s'ensuit. Donc c'est la zakat de rupture du jeûne. En français, elle s'appellera comme ça. Yaqul al-hikma min mashru'iyyati zakat al-fitr. Donc maintenant, c'est quoi la sagesse d'avoir légiféré cette zakat? Cela est expliqué dans un hadith de Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr tuhratan lis-sa'im. من اللغو والرفث وتمعة للمساكن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أخرجه أبو داود وابن ماجه c'est un hadith plutôt un affaire d'Ibn Abbas où il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a imposé cette zakat de fitr pour purifier le jeûneur de quoi? Du lagou. La roue, c'est tout ce qui est parole inutile ou même parole mauvaise. Le Coran a dit وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. Là, s'ils entendent le la roue, c'est-à-dire soit les paroles mauvaises ou les futilités, ils s'en éloignent. Donc la roue, c'est soit parole inutile ou soit parole mauvaise. Arafas, Arafas, c'est les turpitudes, les paroles grossières, vulgaires. Et la Arafas, ça a également le sens des rapports intimes entre conjoints, ou même ce qui est préliminaire. Wa tu'matan lil masakin, et pour nourrir les pauvres. Celui qui la donne avant la salat, alors cette zakat, elle est acceptée. Celui qui la donne après la salat, alors elle n'est qu'une aumône parmi les aumônes communes. C'est-à-dire elle perd sa particularité. C'est-à-dire que tu n'as pas la récompense d'avoir donné zakat et fitr si tu ne la donnes pas en son temps, et surtout si tu ne la donnes pas aux gens la méritant, aux ayants droit. Donc là, on voit la sagesse de cette zakat al-fitr. D'accord ? C'est-à-dire, elle vient purifier le jeûneur des choses qui auront pu entacher son jeûne, comme l'avarice ou les mauvais actes, ou les mauvaises paroles qu'il aura proférées. Ou également, s'il a eu des actes intimes qui auraient entaché son jeûne, ou les paroles grossières et vulgaires, et autres. Ou à tour matin, pour nourrir les pauvres. C'est-à-dire que les pauvres, le jour du Eid, ont droit également d'avoir leur part de nourriture, de pouvoir profiter de ce jour de Eid, de fête, et de pouvoir également se rassasier de manger. Donc, de là, on leur donne de cette zakat. Naam. Et cette zakat, comme cela va venir, elle a un temps défini pour être donnée. Et elle n'est remise qu'à des gens de catégorie définie également. Naam. Et il dit, كما أن من حكمتها أي زكاة الفطر أنها مساواة للفقراء والمساكين وإطعام لهم في يوم العيد الذي ينبغي للمسلمين ألا يوجد بينهم من هو في حالة جوع وبؤس ويشغله عن مشاركة إخوانه المسلمين في فرحهم في فرحهم وعيدهم. Donc cette sagesse, comme on vient d'expliquer, c'est que cette zakat doit être donnée aux nécessiteux, aux indigents et aux pauvres, aux démunis, afin qu'ils puissent se nourrir ce jour-là. Ce jour dans lequel il ne convient pas que des gens soient privés de pouvoir partager de la joie avec les musulmans par un repas convenable. Donc vous voyez, notre religion nous appelle à cela, à faire preuve de compassion envers autrui, que le pauvre également ait le droit de profiter de ce jour-là, d'accord, pour pouvoir se nourrir. Non. Et il dit, « Khamisan, zakat al-fitr li shahr ramadan, kasaj datay as-sahu li salat. » Et c'est un exemple justement de l'imam Nawawi qui a comparé cette zakat de fitr à quoi ? Aux deux prosternations que l'on fait de distraction après une salat. C'est-à-dire que ces deux prosternations viennent pour combler les manques qui auraient lieu dans la salat ou les erreurs. Et bien cette zakat de fitr vient pour compenser également les manques qui auraient lieu lors du siyam. Et là on ne parle pas des annulatifs du siyam. On parle des manques. D'accord ? Ce n'est pas par exemple quelqu'un il ne jeûne pas volontairement, puis par la suite, il dit « je ne zakat al-fitr » pour compenser ce que je n'ai pas jeûné. Là, mawakaza, c'est pour les mauvais comportements qui auraient pu avoir lieu, les mauvaises paroles qui auraient pu avoir lieu, les mauvais actes, tout ce qui entache, voyez, la façon de faire ce siyam, qu'il soit parfait. Ça vient pour combler les manques. Et non pas pour combler les annulatifs ou ce qui l'aurait rendu caduque. Et ça revient au hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt de la parole du Ibn Abbas, lorsqu'il a dit « zakat al-fitr » que cette zakat est une purification pour celui qui jeûne, des paroles futiles, des paroles inutiles, et également des paroles grossières, vulgaires, ce qui s'ensuit. Car ces choses-là n'annulent pas le jeûne en soi, mais l'entachent. Thumma qala sadisan mata fulidat zakat al-fitr. Cette zakat, quand est-ce qu'elle a été rendue obligatoire ? Elle a été rendue obligatoire au même moment que le siyam de Ramadan l'a été, c'est-à-dire à la deuxième année de l'hégire. Avant cela, le jeûne de Ramadan n'était pas obligatoire. Au tout début, les gens devaient jeûner à Ashura. Ensuite, après la Hijra, le siyam de Ramadan a été donné à libre choix. Celui qui veut jeûner, jeûne. Celui qui ne veut pas, il compense en nourrissant des pauvres. Puis par la suite, cela a été abrogé par l'obligation de Ramadan qui est devenue un pilier de l'islam. Le siyam est devenu obligatoire pour quiconque est résident et en santé, en bonne santé. Des mukallafines qui soient pubères. Également parmi les musulmans. Non. Donc là, aujourd'hui, on s'arrête là. Et bismillah ta'ala, par la suite, on prendra les autres règles. Et là, je résume pour ne pas trop allonger la chose. Et je me contente de citer les tarjih du cheikh, c'est-à-dire l'avis prépondérant qu'il donne, lui, selon son opinion, qui, bien sûr, est de base basée sur un dalil. Tahir, fanak tafibi adal kadr, walhamdulillah rabbil alamin.